peut-être encore un élément qui est important sur la loi, c'est qu'il est aussi prévu que lorsque un document, peut-être qui compte 40, 50 pages, contiendrait quelques informations secrètes, le nom d'un tiers, par exemple, qui doit être protégé, on ne peut pas refuser le document en bloc parce que en page 82, 125 et 39, il y a une information secrète. Celle-ci sera ce qu'on appelle caviardée, on la biffera, mais le document sera donné pour le reste dans son intégralité. Ça, c'est assez important, ça, c'est un problème de proportionnalité.